Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, dans ce mag, nous prenons la direction du château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, qui accueillera ces 18 et 19 octobre la 9e édition du Festival de la Forêt et du Bois. Deux jours pour explorer la richesse de cet écosystème essentiel, découvrir les métiers de la filière bois et sensibiliser petits et grands à une gestion raisonnée des forêts. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'être reçus par Cyril Braillet-Lécureuil, directeur du château. Bonjour. Bonjour. Alors, le château de la Bourdaisière, c'est évidemment bien plus qu'un lieu patrimonial, c'est un laboratoire du vivant, c'est un terme qu'on retrouve souvent, un espace d'expérimentation et de sensibilisation à la nature. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui fait la singularité de ce lieu justement et pourquoi c'est le cadre idéal pour accueillir un tel festival ? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, on est un peu le laboratoire du vivant avec un triptyque qui règle toutes nos animations qui est nature, art, éducation et on est dans un parc qui fait 70 hectares avec énormément de forêts évidemment, avec un conservatoire national de la tomate, un conservatoire national du dahlia et actuellement aussi une exposition d'Hérole, leçon d'anatomie. Donc tout ça est sur la biodiversité au sens large parce que quand on parle du corps humain, on n'est plus tout à fait dans la biodiversité mais globalement, on prône un retour à la nature au maximum, ou en tout cas de profiter au maximum de la nature et de ses secrets. Comment il est né cet événement et c'était quoi la philosophie de départ et puis comment il a évolué un petit peu l'historique de tout ça ? Alors il a beaucoup changé puisque à l'origine c'était vraiment un festival qui avait été créé pour les professionnels pratiquement de la forêt avec des conférences très techniques etc. Et puis il s'est avéré que notre partenaire, on avait un partenaire France Bois Forêt qui est venu se joindre à nous et qui lui voulait un événement grand public et surtout tourné vers les familles puisque le but était de sensibiliser plus les enfants et la famille en général à la nature et à la forêt. Donc c'est comme ça qu'il a complètement mué il y a 5 ans pour devenir vraiment quelque chose de tourné vers la famille avec beaucoup d'activités à la fois instructives mais aussi ludiques. Alors justement, en quoi les animations et les rencontres que vous allez proposer pendant tout ce week-end, ils aident à mieux comprendre ce rôle crucial qu'a la forêt, qu'a le bois ? Eh bien, déjà, une des premières choses qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut profiter de la forêt, donc venir y passer du temps. Donc là, on a un conteur qui vient nous narrer des histoires dans la forêt. On a aussi, bien évidemment, les agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui viennent expliquer la forêt, comment l'entretenir, ce qu'on peut faire du bois ensuite. On va avoir un certain nombre de professionnels des métiers du bois, puisque c'est aussi le but de sensibiliser les jeunes aux métiers du bois. À côté de ça, on aura de la magie pour attirer aussi les plus jeunes. On aura aussi l'auteur de Mémoire de la forêt et aussi Caro de Woodland qui viennent pour leur livre et se dédicacer leur livre. Alors, Mémoire de la forêt est un best-seller et là, ils sortent le nouveau numéro. Alors, il reprend le premier, mais c'est le numéro luxe, si on peut dire, qui vient de sortir en avant-première. On l'aura ici. On aura des reconnaissances des écorces d'arbres. On aura du tir à l'arc. On aura du sport, puisque le but de la forêt, c'est de pouvoir aussi se défouler. Et donc, on aura des conférences quand même, parce qu'on mêle ce côté sérieux et ce côté ludique. Donc, on aura les grands jeux en bois si vous voulez être en famille. Enfin voilà, on aura énormément d'activités, du land art aussi pour ceux qui veulent, avec aussi l'ONF et avec Réginald Roussel, qui est un artiste local. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire tout au long de la journée et à redécouvrir la nature, à profiter de la nature et de tout ce qu'elle nous propose. Alors on l'a compris, des animations, il y en a plein. Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont plus incontournables que d'autres ? Alors, tout dépend pour qui, parce que chacun voit des côtés incontournables à différentes choses. Je pense que cette année, comme tous les ans, comme j'ai dit tout à l'heure, l'auteur de Mémoire de la forêt est très, très attendu. C'est un livre qui est beaucoup lu, même dans les écoles, les collèges. Donc, il sera encore présent et ça nous fait très plaisir. Je pense qu'aussi, ce sera très intéressant de voir le sieur mobile qui viendra découper sur place des planches. On aura aussi le sieur qui fait avec sa tronçonneuse, qui sculpte de nombreuses choses. Franchement, il y a beaucoup de choses, on va dire, incontournables. On aura Fibois qui sera présent avec nous. On aura vraiment, selon ce que l'on aime, ce que l'on veut, tout est incontournable, je dirais. Mais après, tout dépend ce que l'on attend. Quels sont les horaires, Cyril, pour pouvoir assister à ce festival ? Samedi et dimanche, de 10h à 18h. Vous pouvez venir donc dès 10h. Il y a un parking qui est gratuit. C'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. C'est 8€ pour les adultes. Et puis, vous pouvez vous restaurer sur place si vous le souhaitez. On a une formule très simple à midi. Et puis durant la journée, il y aura sûrement des crêpes et puis des boissons pour ceux qui le souhaitent. Vous l'aurez compris, donc le Festival de la Forêt et du Bois vous attend les 18 et 19 octobre. C'est au château de la Bourdaisière à Montlouis que ça se passe. Deux jours de découverte, de partage et de nature dans ce cadre d'exception que nous offre la Bourdaisière, à la croisée de la pédagogie et de la beauté. Merci beaucoup Cyril, on retrouve toutes les infos sur labourdaisière.com. C'est ça, et merci, on vous attend nombreux avec le soleil ce week-end. Merci beaucoup. C'est la fin de ce MAC. Si vous voulez le réécouter, vous pourrez le retrouver sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.